années, mille batailles se sont versées, ne m'auront pas effrayé. Je garde en moi les parfums en bouton, lumière de l'or, celle de l'enfance, qui s'est livrée ma richesse.